Don Bosco, Ndoui Man. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 3 décembre 2016 et c'est la dernière édition. Le vice-président du parti, Sawanya Frodebou, déclare être satisfait de l'annonce de la reprise des négociations interburundaises par Benjamin Mkapa. Léon Ngendakumana estime que s'il devait y avoir une mise en place des institutions de transition, cela serait conditionné par la libération des prisonniers politiques. Et le major Désiré Wamahoro était devant la barre hier à Bubanza avec ses co-accusés dans une affaire d'escroquerie à l'endroit d'un étranger. Le ministère public a requis contre lui une année de prison ferme et une amende d'1 million de francs burundais. Et la présidente de l'association Famille pour vaincre le sida a reçu un prix ce jeudi à Durban, en Afrique du Sud, de la part d'une organisation britannique. Space Nihangaza demande à tous d'encourager toutes les initiatives en faveur de l'éducation des orphelins. Et puis, à la fin de ce journal, vous aurez droit à la revue de presse. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. François Kimana assure la mise en onde de ce journal. Le réquisitoire du ministère public pour Major Désiré Wamahoro et ses deux gardes du corps a été d'une année de prison ferme et une amende d'1 million de francs burundais. C'était lors d'une audience publique tenue ce vendredi au tribunal de grande instance de Bubanza. Major Désiré Wamahoro et ses co-détenus viennent de passer quelques semaines à la prison centrale de Bubanza. Ils sont accusés d'escroquerie commise à l'endroit d'un étranger originaire de la Syrie. Le ministère public a également demandé pour 6 Congolais accusés de la même infraction une prison ferme de 5 ans et une amende de 900 000 francs chacun. Et sachez que pour cette audience de ce vendredi, c'est la cour d'appel de Bujumbura qui a fait le déplacement vers Bubanza en raison du privilège de juridiction dont jouit Désiré Wamahoro. Et un certain Jean-Prosper Ngurunziza, un homme de 30 ans, habitant la colline Nebambo de la commune Bugarama, province Rumonge, est dans les mains de la police judiciaire de Bugarama depuis l'après-midi de ce vendredi. Il est soupçonné d'avoir tué son père, retrouvé le matin de ce vendredi, et dont le corps avait été jeté dans une vallée de la place, les jambes liées avec une corde autour du cou. Le défunt venait à peine de rentrer de sa cachette où il était par crainte de son fils dans une affaire d'argent, apprend-on du commissaire provincial de la police à Rumonge. Isanganiro. Politique maintenant, le parti Sawanya Frodebou, on dit que l'on est satisfait de la reprise des négociations par la médiation de Benjamin Mkapa. Léon Ngendakumana, vice-président du parti Frodebou, suggère de ne pas prendre beaucoup de temps pour parler. C'est un sentiment de satisfaction dans la mesure où la médiation a repris le chemin du dialogue. Nous osons espérer que ça va démarrer rapidement et ne pas trop attendre. S'il vient lui-même, il va constater la situation sociopolitique, sécuritaire qui prévaut actuellement au Burundi. Il va rencontrer effectivement tous les acteurs de la vie sociopolitique et économique burundaise. Ça va l'amener à accélérer le processus du dialogue pour mettre un terme. Sinon, il a envoyé des délégations ici, mais ces délégations sont toujours venues et restées probablement à l'hôtel où elles ont rencontré les représentants du pouvoir de Bujumbura. Ils n'ont jamais rencontré les représentants de l'opposition. Ils pourraient même être informés de ce qui se passe dans les prisons, dans des cas de déplacés. En ce moment, s'il est imprégné de ces réalités, il pourra convaincre rapidement le pouvoir et son opposition pour qu'ils aient rapidement pitié et de son pays qui s'isole. Léon Ngendakumana ajoute que la mise en place des institutions de transition doit être conditionnée par un accord qui contiendrait des réformes visant à libérer les prisonniers politiques et à développer les autres secteurs du pays. Suivez encore une fois Léon Ngendakumana. Alors, en ce qui concerne le partage du pouvoir, nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec cette démarche parce que, en amenant cette démarche, le pouvoir de Bujumbura va se radicaliser en disant que l'opposition vient négocier certains postes. Lui, il vaut se radicaliser et refuser de venir dans les négociations à cause de cela. Et de l'autre côté, au niveau de l'opposition, comme il y a très peu de postes qu'on négocie, c'est que nous sommes très nombreux, nous risquons de nous diviser. Si on négociait d'abord un accord qui contient la libération des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion, le rapatriement des réfugiés politiques et des citoyens ordinaires, la réhabilitation des partis politiques, la réhabilitation des médias, de la société civile, sans oublier évidemment la réhabilitation de la Cour d'Orge et de la Cour d'Orge. Comme ça, on aurait déjà des piliers pour la paix, pour la démocratie, pour la réconciliation et pour la cohabitation pacifique. C'est à ce moment-là où on pourrait parler des institutions de transition pour mettre en œuvre ce programme-là, qui est conçu comme un programme de stabilisation du Burundi. Léon Senghendakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebou, réagissait au communiqué de la médiation de Mkapa qui a été sorti ce jeudi en vue d'informer sur les prochaines activités de cette équipe. Passation ce samedi du test d'entrée à la catégorie des sous-officiers à la Force de défense nationale. L'épreuve a eu lieu sur les chefs-lieux de toutes les provinces du pays. Le porte-parole de la FDN a précisé que les différentes composantes de la société burundaise ont été représentées. Suivez le colonel Gaspard Baratouza. C'est aujourd'hui que se déroule le test d'entrée au cadre sous-officiers dans la Force de défense nationale. L'école de sous-officiers, c'est le temple, c'est le pont entre l'officier et l'homme de rang. Raison pour laquelle c'est une catégorie qui a une place très importante, une importance de choix dans le commandement de l'armée. Aujourd'hui, c'est le tour des tests intellectuels qui comprennent les mathématiques et le français. Au chef-lieu de toutes les provinces du pays, et ce test est en train d'être passé par ceux qui se sont fait inscrire. Comme vous le savez, dans la carrière, dans la gestion de carrière, il y a ceux qui atteignent l'âge de pension. Ils doivent être remplacés par le sang nouveau pour qu'il y ait une continuité dans l'exécution des missions dévolues à la Force de défense nationale. Effectivement, dans toutes les provinces, nous avons un bilan très satisfaisant. 4240 candidats se sont fait inscrire au niveau de tout le pays, dont 2829 de l'ethnie Hutu, soit 66,7%, 1354 de l'ethnie Tutsi, soit 31,9%, et 57 de l'ethnie Twa, soit 1,3%. Pour ce qui est du genre aussi, les filles se sont présentées d'une façon satisfaisante. Et nous avons le total de 371 filles qui se sont fait inscrire au niveau national, composé de 243 de l'ethnie Hutu, 126 de l'ethnie Tutsi et 2 de l'ethnie Twa. Voilà, cette représentation montre que les équilibres constitutionnels seront préservés comme c'est stipulé dans nos lois réglementaires. Le colonel Gaspard Baratouza, porte-parole de la Force de défense nationale. La présidente de l'association Famille pour vaincre le sida a reçu un prix ce jeudi à Durban en Afrique du Sud pour son engagement dans le domaine de l'éducation des orphelins. Fière de cette distinction accordée par une organisation britannique, Space Nihangaza demande à tous de soutenir de telles initiatives. Suivez-la. Nous venons en effet de recevoir le premier prix dénommé Entrepreneurship in Education, qui veut dire l'entrepreneuriat dans l'éducation. C'est une reconnaissance des activités que notre association, la FVS Amadou Burundi Abagenzi Bawana, vient de réaliser pendant 24 ans dans le domaine du soutien aux orphelins et autres enfants vulnérables afin qu'ils puissent continuer à aller à l'école, même s'ils n'ont plus de parents pour payer leur éducation. C'est une grande reconnaissance pour cette activité. Les organisateurs du prix, c'est une association britannique qui s'appelle Teach a Man to Fish. Ça veut dire apprendre à quelqu'un à pêcher. C'est une organisation qui fait la promotion de l'autonomie, en fait, de l'indépendance des gens pour qu'ils puissent vivre de leur travail au lieu de dépendre de l'assistance. Nous avons reçu le premier prix. Il y a 4 prix qui ont été distribués. Et nous avons reçu le premier prix grâce à notre approche de soutien aux enfants orphelins à travers le système d'épargne et de crédit Nawenuze, qui est réalisé par les différents groupements de prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables avec lesquels nous collaborons dans le pays. Cette espèce, Nihangaza, la présidente de l'association Famille pour vaincre le sida, des propos recueillis depuis Durban en Afrique du Sud. Célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida ce samedi à l'Association nationale de soutien aux séropositifs, ANSS en sigle, au quartier Kigobe Sud, en mairie de Bujumbura. À cette occasion, la représentante légale de cette association a fait savoir que 4 antennes dans différentes provinces ont déjà été créées avec plus de 6600 personnes qui y sont suivies régulièrement. Jeanne Gapia Nyonzima a en outre ajouté que les défis ne manquent pas. Elle interpelle les gens qui prennent les traitements de ne pas jouer avec leur vie et surtout de les prendre correctement. La NSS a 4 antennes, l'antenne de Bujumbura, l'antenne de Makamba, Gitega et Kirundo. Et la file active de ces 4 antennes se lève à 6621 personnes. Ça veut dire les personnes qui sont suivies régulièrement dans les 4 antennes. Et parmi les 6621 personnes, 5831 personnes sont des personnes vivant avec le VIH. Et 5319 personnes sont sous traitement ARV, ce qui donne 12% du taux national des gens sous traitement et qui place toujours la NSS en première place. Alors, moi, quand j'entends qu'il y a des gens qui ne prennent pas ces traitements, je dois avouer que ça me fait vraiment mal. Parce que je sais le combat que nous avons eu à faire pour que nous puissions arriver à trouver ces traitements. Les gens, quand ils prennent mal ces traitements, et particulièrement les jeunes, j'interpelle la jeunesse. Il y a des enfants qui sont nés avec le VIH ou ils l'ont attrapé, mais nous avons beaucoup de jeunes qui ne prennent pas correctement ces traitements. Ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, nous avons juste les traitements de première et deuxième ligne. Les gens, quand ils font des résistances et qu'ils doivent prendre les traitements de troisième ligne, nous les assistons mourir. Donc j'interpelle les gens à ne pas jouer avec leur vie, parce que le VIH-Sida, ça reste une maladie qui tue. Et je pense qu'il serait mieux que les gens qui prennent les traitements les prennent correctement, parce que notre pays ne pourra pas acheter ces traitements qui coûtent très cher. Et ceux qui ont la chance d'être encore bien portants, de ne pas être infectés, ils ont intérêt à continuer à se prévenir du VIH-Sida, parce que ça reste un frein pour le développement du pays. Et concernant la reconnaissance de l'ANSS comme une association d'utilité publique par l'État, Jeanne Gapia Nyonzima indique que cette association remplit toutes les conditions nécessaires. Elle demande donc à l'État de les rétablir dans leurs droits. Ça fait des années que nous sommes en train de demander qu'on nous rétablisse dans notre droit, à savoir reconnaître notre structure en tant qu'une structure d'utilité publique. Il y a une loi qui protège les personnes infectées et il y a des articles qui spécifient bien comment, quelle est la structure qui est considérée comme d'utilité publique. Et nous remplissons et je pense que nous allons au-delà des critères. Nous avons demandé à maintes reprises, nous avons écrit. Et il y a 2 ans, le ministère de l'Intérieur nous a répondu en disant que, certes, ils ont vu la loi, mais que les lois qui accompagnent cette loi ne sont pas encore bien préparées. Ça fait 2 ans, j'espère qu'aujourd'hui, ces mesures d'accompagnement ont été déjà faites. Et nous demandons et nous réitérons notre demande pour qu'on nous rétablisse dans notre droit. C'était Jeanne Gapia Nyonzima, la représentante de l'Association nationale de soutien aux séropositifs. Et plus de la moitié des victimes de viol au monde sont des filles d'au moins de 16 ans et une femme ou une fille sur 3 est confrontée à la violence dans sa vie. Ces propos ressortent de l'allocution de la représentante du Finnois pour Burundi, Suzanne Ngo, au nom du système des Nations Unies au Burundi, dans la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'était ce vendredi dans la province de Muramvya. Evrard Havyarimana était là pour nous. Voici son reportage. Là, ce sont des femmes et filles qui se sont donné rendez-vous dans la province de Muramvya dans la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles sous le thème « Investissons plus dans l'éradication des violences faites aux femmes ». Et la province de Muramvya n'est pas choisie par hasard, étant donné que cette province est le premier parmi les provinces qui ont éradiqué cette pratique. Dans son allocution, la représentante du FINWAP, Suzanne Ngo, qui a parlé au nom du système des Nations Unies au Burundi, précise que plus de la moitié des victimes au monde entier sont des filles d'au moins de 16 ans. N'est-il pas déplorable et choquant de noter aujourd'hui que plus de la moitié des victimes de viol au monde sont des filles de moins de 16 ans? Qu'une fille ou une femme sur trois est confronté à la violence dans sa vie. Ou encore que des millions de femmes et de filles sont victimes de la traite des êtres humains. Protéger les femmes et les filles contre la violence et les pratiques nuisibles n'est pas seulement un impératif moral et des droits de l'homme, mais il est également essentiel au progrès économique et social des nations. Suzanne Ngo, la représentante du Finnois pour Burundi, ajoute que les données collectées par le ministère ayant le genre dans ses attributions a recensé plus de 9000 cas de violences basées sur le genre. Ne fût-ce que pour ce premier semestre de l'année 2016, les données collectées par le ministère ayant le genre dans ses attributions recensent plus de 9351 cas de violences basé sur le genre, dont 79% sont des femmes. Les autres centres du pays enregistrent des chiffres aussi élevés. De plus, beaucoup de victimes ne se déclarent même pas et vivent leur traumatisme dans la peur et l'horreur. Parmi les causes principales des violences basées sur le genre se trouve le processus de socialisation. Nous savons que tous les hommes naissent libres et égaux, en droit et en dignité. Suzanne Ngo, la représentante de Finnois pour Burundi, qui a parlé au nom du système des Nations Unies à terminer son élection, a conjugué des efforts à tout un chacun pour éradiquer cette violence basée sur le genre. Évrard Havzarimana. Et l'handicap n'est pas une fatalité, c'est la conviction du représentant légal du Forum des acteurs qualifiés en éducation spéciale face au handicap, FAQES Handicap. Alors que le monde célèbre aujourd'hui la Journée internationale des personnes handicapées, Donatien Barumwete appelle les personnes handicapées à s'affirmer elles-mêmes afin de contribuer au développement de la société et invite le gouvernement à mettre en place des textes d'application de la Convention ratifiée en 2014 relative aux personnes handicapées. Suivez Donatien Barumwete. Nous pouvons dire, sans nous tromper, qu'il y a encore à faire. La prise en charge des personnes handicapées est encore loin. Et il y a un pas à franchir. Et c'est pour cela que nous voudrions lancer un appel à tout un chacun pour contribuer suffisamment dans ce domaine. Bien qu'il y ait une certaine évolution, nous pouvons ne pas nier l'évolution que nous constatons, surtout quand nous partons de l'Antiquité jusqu'à présent. Nous voyons que la situation a toujours évolué en ce qui concerne la prise en charge des personnes handicapées. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes un peu satisfaits, mais les minimes efforts que nous constatons sont de la part des églises ou de certaines organisations de société civile. Nous voudrions aussi que le gouvernement concentre beaucoup d'efforts dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la mise en place des textes d'application de la Convention internationale des personnes handicapées que le gouvernement du Burundi a ratifié en 2014. En cette situation que nous observons aujourd'hui, c'est une situation qui est déplorable, parce que nous observons encore ici et là les personnes handicapées en train de mendier dans les rues. Nous voudrions tout d'abord lancer un appel à ces personnes mêmes qui sont handicapées pour qu'ils s'affirment eux-mêmes, pour qu'ils s'imprègnent d'une conviction qu'ils sont capables de quelque chose eux aussi, qu'ils ont un potentiel à développer afin de pouvoir contribuer eux aussi dans leur développement et au développement de notre société. Il faut lancer un appel aussi à l'égard des parents pour qu'ils comprennent d'abord que le handicap n'est pas une fatalité et qu'une personne handicapée a une dignité et qu'il est capable de faire quelque chose et qu'il est capable de contribuer aussi pour sa vie et pour la vie de la société. Et pour terminer ce journal, vous saurez que l'enterrement du journaliste Nestor Ndaitwaeko a eu lieu ce samedi à Rutana. Son confrère était correspondant de la RPA et du journal Info Grand Lac dans cette province. Sa femme remercie tous ceux qui ont contribué au rapatriement de son corps au Burundi à partir du Rwanda où il est mort en début de cette semaine des suites d'une maladie. Feu Nestor Ndaitwaeko laisse une femme et quatre enfants qui résident toujours à Rutana. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana, nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Willy Nyamitwe, il a échappé belle. Titre, le journal Iwachu. Dans son éditorial, Iwachu écrit que depuis la tentative d'assassinat de Willy Nyamitwe, conseiller principal en communication du président Nkurunziza, à quelques mètres de son domicile, des accusations fusent de toutes parts et des zones d'ombre et des questionnements entourent cette affaire. Bujumbura, par le biais du porte-parole de la police nationale et celui du gouvernement, accuse le Rwanda, Pacifique Ninina Hazwe et la Belgique. Toujours dans son édito, Iwachu écrit que, de son côté, Kigali, via le lieutenant-colonel René Ngendahimana, porte-parole de l'armée rwandaise, refute ces accusations et parle de propos sans preuve. Bien plus, ajoute Iwachu, il jure que le Rwanda ne s'entend à aucun intérêt dans la mort de Willy Nyamitwe. Reprenant le tweet de Willy Nyamitwe, Iwachu écrit que le plan était connu. Tuer un des leaders pour déclencher le chaos et forcer le dialogue avec les putschistes. Si seuls les pédagogues sont autorisés à enseigner, plusieurs sections seront fermées. Selon le journal La Voix de l'enseignant, si la décision du ministère de l'Éducation nationale de ne recruter que des enseignants qui ont une formation en pédagogie, les écoles techniques qui enseignent l'économie et la gestion, celles des techniques paramédicales, des techniques d'information et de la communication, les écoles des techniques agricoles seront obligées de mettre le cadenas sur leurs portes. Les enseignants de ces écoles n'ont pas fréquenté l'Institut de pédagogie appliquée ni l'École normale supérieure qui ont, selon toujours l'hebdomadaire, la vocation de former les enseignants du secondaire. Ceux qui suivent de près le système éducatif burundais conseillent au gouvernement de privilégier la formation qualifiante en cours d'emploi pour ne pas accentuer le problème de pénurie des enseignants. L'agence burundaise de presse ABP écrit sur le conflit de propriété entre la COGERCO et la Rougofarm. Un mois après la décision de la Commission nationale terre et autres biens du 17 octobre tranchant le litige foncier de 280 hectares opposant la compagnie de gérance du coton COGERCO à la société Rougofarm, plusieurs centaines d'agriculteurs exploitant sous location ces terres s'inquiètent de la suite de la décision. Ils indiquent qu'ils font face à un dilemme car ils ne savent plus s'ils auront encore une chance de les exploiter en location. La Voix de l'enseignant écrit aussi sur atmosphère tendue dans des écoles faute de la prime de renforcement. Un grand malaise plane dans certaines écoles de Bujumbura, surtout publiques, depuis qu'une information relative à la prime de renforcement circule. Tout part de la déclaration qui aurait été livrée par le ministre en charge de l'éducation. Elle aura enjoint au directeur d'école de ne pas percevoir les frais de la prime des enseignants et de ne pas la distribuer là où elle est déjà perçue. Mais par la suite, le directeur général aura donné un avis différent. Tout dépend, selon lui, de l'entente entre les parents et l'école. Si le versement de cette prime est consensuel, il ne voit pas où résiderait le problème. Une brèche qui, aujourd'hui, pousse les enseignants de pousser le bouchon, car, disent-ils, les frais de renforcement ou prime des enseignants sont versés en même temps que les frais scolaires et que, pour ce fait, ils doivent être versés aux ayants droit. Revue de la presse. L'agence en ligne NetPress écrit sur des voyageurs qui sont contraints de verser des pots de vin aux policiers. Elle parle des voyageurs sous couvert d'anonymat qui empruntent la route Bujumbura-Makamba, même en situation de régularité, et qui s'inquiètent qu'ils sont obligés de verser des pots de vin gravitant autour de 2000 francs burundais aux policiers. Les résistants sont soumis aux insultes, voire tabassés. Ces policiers prétextent qu'ils ont passé des dizaines d'années dans la jungle pour libérer le pays, des mains d'une poignée de gens qui gouvernent gouvernerait le pays sans partage et qu'il faut que cet esprit de partage s'enracine dans toutes les couches de la population. Par ailleurs, poursuit l'agence, les policiers passent toute la journée sous le soleil de plomb et sont obligés de prendre un verre pendant la soirée et de se demander ironiquement, je cite, « Où le trouverait-il si ce n'est pas parmi les voyageurs ?» Les agronomes sont appelés à redoubler d'ardeur dans l'encadrement des producteurs de semences de riz, écrit encore l'agence burundaise de presse. L'augmentation en nombre des producteurs des semences de riz en qualité et en quantité s'avère nécessaire en vue de répondre aux besoins sans cesse croissants en semences de riz en ce moment où on constate une promotion de la riziculture dans la plupart des provinces du pays. Ainsi s'achève cette revue de la presse. Elle vous a été présentée par Médar Niyonguru et Mihai Kanyange. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en compagnie de la radio Isanganiro. À la prochaine.